Mes amis, vous avez entendu ça? J'en parlais hier. Oui. La fermeture annoncée du Gwyn. Ah, faut le voir, mon zouzou. Ou plutôt, faut pas. La tête qui fait l'animal. On lui a annoncé la séparation de Michou et de son anus artificiel. Il aurait été moins triste, je suis sûr. Depuis hier, il porte le deuil. Cuissarde, guépière, string et cockring noir. On dirait une pute portugaise le jour de la Toussaint. Alors du coup, pour lui remonter le moral, je l'ai emmené faire la fête une dernière fois dans la boîte condamnée. C'était morose. Mais qu'est-ce que t'as, bordel de poppers? Mazouzou, la tristesse dans le Colosseum. Oui, bon, ben, c'est triste la fermeture du Queen, mais c'est pas une raison pour déprimer comme un phoque privé de banquise. Et oublie l'exemple du phoque, hein, c'est de mauvais goût. Bah non, Zouzou, il aime mieux le phoque. Oh, et puis merde, fais pas ta précieuse. Amuse-toi, c'est un ordre. Bah, les Zouzou, il faut pas s'amuser. Trop beaucoup souvenirs à la Queen pour les Zouzou. Le Zouzou, il a trouvé l'amour dans la Queen. Quoi? Mais c'est comme t'as trouvé l'amour dans le Queen, toi? Bah, chaque fois, le Zouzou, il va au Queen. C'est dedans le Queen que le Zouzou, il a été dedans les gens la première fois. C'est dans le Queen, le Zouzou, il a fait la fête à poil avec Dave et Claude François. C'est dans le Queen que le Zouzou, il a chanté chaud cacao avec ses fesses. C'est dans le Queen... Bon, si tu continues, c'est dans le Queen que Zouzou va se prendre une baffe par Helmut. Oh. Alors, comme il arrêtait pas de se plaindre, on est rentré à la maison. Je lui ai servi des pina colada schnapps, on a regardé Pink TV, ah oui, il faut ce qu'il faut, et je l'ai couché, mon Zouzou. Oh. Je vous laisse, hein. Moi je vais aller chercher un petit travelot au parc Montsouris. Il paraît qu'il y a des Péruviens. Ah, c'est bien les Péruviens. C'est docile, là, ça se plaît pas. Ça va leur monter le moral, mon Zouzou. Allez, au revoir, Zine.